Bonjour, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous. On est ravis que vous soyez venus nombreuses et nombreux. Pour cette séance donc, d'inauguration du séminaire du groupe de recherche Vidéo des premiers temps, cette séance d'ouverture, comme vous devez le savoir, est commune avec le séminaire des post-doctorants et post-doctorantes du LABEX CAP. Et ce sera l'occasion d'abord de présenter le séminaire, de proposer un état des lieux de la recherche et des sources disponibles, ainsi que de définir les enjeux historiographiques donc, de ce séminaire Vidéo des premiers temps. Et nous aurons ensuite le plaisir d'écouter notre invitée, Anne-Marie Duguet, qui est professeure émérite à l'Université Paris 1, spécialiste des médias, de la vidéo et de l'art actuel, auteure de l'ouvrage pionnier, donc il y a beaucoup d'exemplaires aujourd'hui dans cette salle, Vidéo, la mémoire au point, qui est paru en 1981 chez Hachette. Anne-Marie Duguet est aussi directrice de la collection Anarchive, dont tu en parleras peut-être aussi tout à l'heure à l'occasion, et commissaire d'exposition. Il doit y avoir déjà les programmes qui circulent, qu'on commentera tout à l'heure, mais qui doivent déjà donc, être en train de circuler, et également une feuille afin que vous puissiez inscrire vos noms et surtout votre mail pour être tenu informé des prochaines séances du séminaire. Je l'annonce tout de suite. La prochaine aura lieu le lundi 19 novembre. Pour commencer, on va peut-être se présenter, donc les quatre organisateurs de ce séminaire, et préciser un petit peu d'où on parle, mentionner également nos partenaires, nos établissements de rattachement. Ce séminaire est le fruit de la rencontre entre une institution patrimoniale, en la personne d'Alain Carou, à l'extrémité gauche de la table, enfin droite pour vous, et de trois enseignants, chercheurs et chercheuses, un spécialiste des cinémas militants. Et ce séminaire associe donc nos établissements de rattachement que sont la BNF, Paris 1, Paris 3 et Paris 8. On va commencer par un petit tour de parole et je vais peut-être tout de suite donner la parole à Alain Carou. On va donc préciser